Peut-être y avait-il au fond un peu de couleur jaune provenant de l'humidité. Mais non, je vous répète que non. La dorure a pour cause le contact de l'Eucharistie, et elle donna en preuve l'attestation des évêques. C'est, disent-ils, comme un bouclier, un palladium sur le diocèse de Perpignan. Demandez plutôt à M. Geoffroy. Bouvard n'y tint plus, et ayant repassé son Louis Hervieux, emmena Pécuchet. L'ecclésiastique finissait de dîner. Rennes offrit des sièges, et sur un geste alla prendre deux petits verres qu'elle emplit de rosolio. Après quoi Bouvard exposa ce qui l'amenait. L'abbé ne répondit pas franchement. Tout est possible à Dieu, et les miracles sont une preuve de la religion. Cependant, il y a des lois. Cela n'y fait rien, il les dérange pour instruire, corriger. Que savez-vous s'il les dérange? Répliqua Bouvard. Tant que la nature suit sa routine, on n'y pense pas. Mais dans un phénomène extraordinaire, nous voyons la main de Dieu. Elle peut y être, dit l'ecclésiastique, et quand un événement se trouve certifié par des témoins, les témoins gobent tout, car il y a de faux miracles. Le prêtre devint rouge. Sans doute, quelquefois. Comment les distinguer des vrais? Et si les vrais données en preuve ont eux-mêmes besoin de preuves, pourquoi en faire? Rennes intervint, et prêchant comme son maître, dit qu'il fallait obéir. La vie est un passage, mais la mort est éternelle. Bref, ajouta Bouvard en lampant le rosolio, les miracles d'autrefois ne sont pas mieux démontrés que les miracles d'aujourd'hui. Des raisons analogues défendent ceux des chrétiens et des païens. Le curé jeta sa fourchette sur la table. Cela était faux. Encore un coup. Pas de miracle en dehors de l'Église. Tiens, se dit Pécuchet, même argument que pour les martyrs. La doctrine s'appuie sur les faits et les faits sur la doctrine. Monsieur Geoffroy, ayant bu un verre d'eau, reprit. Tout en les niant, vous y croyez. Le monde que convertissent 12 pécheurs, voilà, il me semble, un beau miracle. Pas du tout, Pécuchet en rendait compte d'une autre manière. Le monothéisme vient des Hébreux, la Trinité des Indiens. Le Logos est à Platon, la Vierge Mère à l'Asie. N'importe, M. Geoffroy tenait au surnaturel, ne voulait que le christianisme pût avoir humainement la moindre raison d'être, bien qu'il en vît chez tous les peuples des prodomes ou des déformations. L'impiété railleuse du XVIIIe siècle, il l'eût toléré, mais la critique moderne avec sa politesse l'exaspérait. J'aime mieux l'athée qui blasphème que le sceptique qui ergote. Puis il les regarda d'un air de bravade, comme pour les congédier. Pécuchet s'en retourna mélancolique. Il avait espéré l'accord de la foi et de la raison. Bouvard lui fit lire ce passage de Louis Hervieux. Pour connaître l'abîme qui les sépare, opposez leurs axiomes. La raison vous dit, le tout enferme la partie, et la foi vous répond par la substantiation. Jésus, communiant avec ses apôtres, avait son corps dans sa main et sa tête dans sa bouche. La raison vous dit, on n'est pas responsable du crime des autres, et la foi vous répond par le péché originel. La raison vous dit, 3 c'est 3, et la foi déclare que 3 c'est 1, et ils ne fréquentèrent plus l'abbé. C'était l'époque de la guerre d'Italie. Les honnêtes gens tremblaient pour le pape. On tenait contre Emmanuel. Madame de Noares allait jusqu'à lui souhaiter la mort. Bouvard et Pécuchet ne protestaient que timidement. Quand la porte du salon tournait devant eux, et qu'ils se miraient en passant dans les hautes glaces, tandis que par les fenêtres on apercevait les allées, on tranchait sur la verdure le gilet rouge d'un domestique. Ils éprouvaient un plaisir, et le luxe du milieu les faisait indulgents aux paroles qu'ils s'y débitaient. Le comte leur prêta tous les ouvrages de M. Demestre. Il en développait les principes devant un cercle d'intimes. Hurel le curé, le juge de paix, le notaire et le baron son futur gendre, qui venait de temps à autre pour 24 heures au château. Ce qu'il y a d'abominable, disait le comte, c'est l'esprit de 89. D'abord on conteste Dieu, ensuite on discute le gouvernement, puis arrive la liberté. Liberté d'injures, de révolte, de jouissance, ou plutôt de pillage. Si bien que la religion et le pouvoir doivent proscrire les indépendants, les hérétiques. On criera sans doute à la persécution, comme si les bourreaux persécutaient les criminels. Je me résume. Point d'État sans Dieu, la loi ne pouvant être respectée que si elle vient d'en haut. Et actuellement, il ne s'agit pas des Italiens, mais de savoir qui l'emportera, de la Révolution ou du pape, de Satan ou de Jésus-Christ. M. Geoffroy approuvait par des monosyllabes. Hurel, avec un sourire, le juge de paix en dodelinant la tête. Bouvard et Pécuchet regardaient le plafond. Madame de Noares, la comtesse et Yolande travaillaient pour les pauvres. Et M. de Mahureau, près de sa fiancée, parcourait les feuilles. Puis, il y avait des silences où chacun semblait plongé dans la recherche d'un problème. Napoléon III n'était plus un sauveur, et même il donnait un exemple déplorable en laissant aux Tuileries les maçons travailler le dimanche. « On ne devrait pas permettre », était la phrase ordinaire de M. le comte. Économie sociale, beaux-arts, littérature, histoire, doctrine scientifique, il décidait de tout, en sa qualité de chrétien et de père de famille. Et plût à Dieu que le gouvernement, à cet égard, eût la même rigueur qu'il déployait dans sa maison. Le pouvoir seul est juge des dangers de la science. Répandue trop largement, elle inspire au peuple des ambitions funestes. Il était plus heureux, ce pauvre peuple, quand les seigneurs et les évêques tempéraient l'absolutisme du roi. Les industriels maintenant l'exploitent. Il va tomber en esclavage. Et tous regrettaient l'ancien régime, Hurel par bassesse, Coulon par ignorance, Marescot comme artiste. Bouvard, une fois chez lui, se retrempait avec la maîtrise, d'Holbach, etc. Et Pécuchet s'éloigna d'une religion devenue un moyen de gouvernement. M. de Maillereau avait communié pour séduire mieux ses dames, et s'il pratiquait, c'était à cause des domestiques. Mathématiciens et dilettantes, jouant des valses sur le piano, et admirateurs de Topfer, ils se distinguaient par un scepticisme de bon goût. Ce qu'on rapporte des abus féodaux, de l'Inquisition ou des jésuites, préjugés, et ils vantaient le progrès, bien qu'ils méprisât tout ce qui n'était pas gentilhomme, ou sorti de l'école polytechnique. M. Geoffroy, de même, leur déplaisait. Il croyait au sortilège, faisait des plaisanteries sur les idoles, affirmait que tous les idiomes sont dérivés de l'hébreu. Sa rhétorique manquait d'imprévus. Invariablement, c'était le cerf aux abois, le miel et l'absinthe, l'or et le plomb, des parfums, des urnes, et l'âme chrétienne comparée au soldat qui doit dire en face du péché « Tu ne passes pas ». Pour éviter ces conférences, ils arrivaient au château le plus tard possible. Un jour pourtant, ils l'y trouvèrent. Depuis une heure, il attendait ses deux élèves. Tout à coup, Madame de Noares entra. « La petite a disparu, j'amène Victor. Ah, le malheureux !» Elle avait saisi dans sa poche un dé d'argent perdu depuis 3 jours. Puis, suffoqué par les sanglots, « Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout !» Pendant que je le grondais, il m'a montré son derrière. Et avant que le comte et la comtesse aient rien dit, « Du reste, c'est de ma faute, pardonnez-moi. » Elle leur avait caché que les deux orphelins étaient les enfants de Touache, maintenant au bagne. Que faire? Si le comte les renvoyait, ils étaient perdus, et son acte de charité passerait pour un caprice. M. Geoffroy ne fut pas surpris. L'homme étant corrompu, naturellement, il fallait le châtier pour l'améliorer. Bouvard protesta, la douceur valait mieux. Mais le comte, encore une fois, s'étendit sur le bras de fer, indispensable aux enfants, comme pour les peuples. Ces deux-là étaient pleins de vices, la petite menteuse, le gamin brutal. Ce vol, après tout, on l'excuserait, l'insolence jamais. L'éducation devant être l'école du respect. Donc Sorel, le garde-chasse, administrerait au jeune homme une bonne fessée immédiatement. M. de Maillereau, qui avait à lui dire quelque chose, se chargea de la commission. Il prit un fusil dans l'antichambre et appela Victor, resté au milieu de la cour la tête basse. « Suis-moi, » dit le baron. Comme la route pour aller chez le garde détournait peu de Chavignol, M. Geoffroy, Bouvard et Pécuchet l'accompagnèrent. À 100 pas du château, il les pria de ne plus parler tant qu'il longerait le bois. Le terrain dévalait jusqu'au bord de la rivière où se dressaient de grands quartiers de roches. Elle faisait des plaques d'or sous le soleil couchant. En face, les verdures des collines se couvraient d'ombre. Un air vif soufflait. Des lapins sortirent de leur terrier et broutaient le gazon. Un coup de feu partit, un deuxième, un autre, et les lapins sautaient, déboulaient. Victor se jetait dessus pour les saisir, et haletait trempé de sueur. « Tu arranges bien tes nippes, » dit le baron. Sa blouse en loque avait du sang. La vue du sang répugnait à Bouvard. Il n'admettait pas qu'on en pût verser. M. Geoffroy reprit. « Les circonstances quelquefois l'exigent. Si ce n'est pas le coupable qui donne le sien, il faut celui d'un autre, vérité que nous enseigne la rédemption. » Suivant Bouvard, elle n'avait guère servi, presque tous les hommes étant damnés malgré le sacrifice de notre Seigneur. Mais quotidiennement, il le renouvelle dans l'Eucharistie, et le miracle des Pécuchets se fait avec des mots, quelle que soit l'indignité du prêtre. Là est le mystère, monsieur. Cependant, Victor clouait ses yeux sur le fusil, tâchait même d'y toucher. À bas les pattes, et monsieur Maillereau prit un sentier sous bois. L'ecclésiastique avait Pécuchet d'un côté, Bouvard de l'autre, et il lui dit « Attention, vous savez, des bêtures puéris. » Bouvard l'assura qu'il s'humiliait devant le Créateur, mais était indigné qu'on en fît un homme. On redoute sa vengeance, on travaille pour sa gloire. Il a toutes les vertus, un bras, un œil, une politique, une habitation. Notre Père qui êtes aux cieux, qu'est-ce que cela veut dire ? Et Pécuchet ajouta, « Le monde s'est élargi, la terre n'en fait plus le centre. Elle roule dans la multitude infinie de ses pareils. Beaucoup la dépassent en grandeur, et ce rapetissement de notre globe procure de Dieu un idéal plus sublime. Donc la religion devait changer. Le paradis est quelque chose d'enfantin avec ses bienheureux toujours contemplant, toujours chantant. Et qui regarde d'en haut les tortures des damnés ? Quand on songe que le christianisme a pour base une pomme ?» Le curé se fâcha. « Nier la révélation, ce sera plus simple. Comment voulez-vous que Dieu ait parlé ?» dit Bouvard. « Prouvez qu'il n'a pas parlé, » disait Geoffroy. « Encore une fois, qui vous l'affirme ?»« L'Église. Beau témoignage. » Cette discussion ennuyait M. de Maillereau. Et tout en marchant, « Écoutez donc le curé, il en sait plus que vous. » Bouvard et Pécuchet se firent des signes pour prendre un autre chemin, puis à la croix verte. « Bien le bonsoir. » « Serviteur, » dit le baron, « tout cela serait compté à M. de Faverges, et peut-être qu'une rupture s'ensuivrait. Tant pis. » Ils se sentaient méprisés par ces nobles. On ne les invitait jamais à dîner. Et ils étaient las de Madame de Noares avec ses continuelles remontrances. Ils ne pouvaient cependant garder le demestre. Et une quinzaine après, ils retournèrent au château, croyant n'être pas reçus. Ils le furent. Toute la famille se trouvait dans le boudoir, Hurel y compris, et par extraordinaire Fourreau. La correction n'avait point corrigé Victor. Il refusait d'apprendre son catéchisme, et Victorine proférait des mots sales. Bref, le garçon irait au jeune détenu, la petite fille dans un couvent. Fourreau s'était chargé des démarches, et il s'en allait quand la comtesse le rappela. On attendait M. Geoffroy pour fixer ensemble la date du mariage qui aurait lieu à la mairie, bien avant de se faire à l'église, afin de montrer que l'on honnissait le mariage civil. Fourreau tâcha de le défendre. Le comte et Hurel l'attaquèrent. Qu'était une fonction municipale près d'un sacerdoce ? Et le baron ne se fût pas cru marié s'il l'eût été, seulement devant une écharpe tricolore. « Bravo, » dit M. Geoffroy qui entrait, « le mariage étant établi par Jésus. » Pécuchet l'arrêta. « Dans quel évangile ? Au temps apostolique, on le considérait si peu, que Tertullien le compare à l'adultère. Ah, par exemple. Mais oui, ce n'est pas un sacrement. » Il faut au sacrement un signe. Montrez-moi le signe dans le mariage. Le curé eut beau répondre qu'il figurait l'alliance de Dieu avec l'Église. Vous ne comprenez plus le christianisme et la loi. Elle en garde l'empreinte, dit M. de Faverges. Sans lui, elle autoriserait la polygamie. Une voix répliqua. Où serait le mal ? C'était Bouvard à demi caché par un rideau. On peut avoir plusieurs épouses, comme les patriarches, les mormons, les musulmans, et néanmoins être honnête homme. Jamais, s'écria le prêtre. L'honnêteté consiste à rendre ce qui est dû. Nous devons hommage à Dieu. Or, qui n'est pas chrétien n'est pas honnête. Autant que d'autres, dit Bouvard. Le comte, croyant voir dans cette répartie une atteinte à la religion, elle exalta. Elle avait affranchi les esclaves. Bouvard fit des citations, prouvant le contraire. Saint Paul le recommande d'obéir au maître comme à Jésus. Saint Ambroise nomme la servitude un don de Dieu. Le Lévitique, l'Exode et les Conciles l'ont sanctionné. Bossuet la classe parmi le droit des gens, et Mgr Bouvier l'approuve. Le comte objecta que le christianisme, pas moins, avait développé la civilisation, et la paresse en faisant de la pauvreté une vertu. Cependant, monsieur, la morale de l'évangile est pas si morale. Les ouvriers de la dernière heure sont autant payés que ceux de la première. On donne à celui qui possède, et on retire à celui qui n'a pas. Quant au précepte de recevoir des soufflets sans les rendre, et de se laisser voler, il encourage les audacieux, les poltrons et les coquins. Le scandale redoubla, quand Pécuchet eut déclaré qu'il aimait autant le bouddhisme. Le prêtre éclata de rire. « Ha, ha, ha, le bouddhisme !» Madame de Noares leva les bras. « Le bouddhisme !»« Comment, le bouddhisme ?» répétait le comte. « Le connaissez-vous ?» dit Pécuchet, à M. Geoffroy qui s'embrouilla. « Eh bien, sachez-le, mieux que le christianisme, et avant lui, il a reconnu le néant des choses terrestres. Ses pratiques sont austères, ses fidèles plus nombreux que tous les chrétiens. » Et pour l'incarnation, Vishnu n'en a pas une, mais neuf. Ainsi jugé des mensonges de voyageurs, dit Madame de Noares, soutenus par les francs-maçons, ajouta le curé. Et tous parlant à la fois, allez donc, continuez, fort joli, moi je le trouve drôle, pas possible si bien que Pécuchet, exaspéré, déclara qu'il se ferait bouddhiste. Vous insultez des chrétiennes, dit le baron. Madame de Noares s'affaissa dans un fauteuil, la comtesse et Yolande se taisaient. Le comte roulait des yeux. Hurel attendait des ordres. L'abbé, pour se contenir, lisait son bréviaire. Cet exemple apaisa M. de Faverges, et considérant les deux bons hommes, avant de blâmer l'Évangile, et quand on a des tâches dans sa vie, il est certaine réparation. Des réparations. Des tâches. Assez, messieurs, vous devez me comprendre. Puis s'adressant à Fourreau, Sorel est prévenu, allez-y. Et Bouvard et Pécuchet se retirèrent sans saluer. Au bout de l'avenue, ils exhalèrent, tous les trois, leur ressentiment. On me traite en domestique, grommelait Fourreau. Et les autres l'approuvant, malgré le souvenir des hémorroïdes, il avait pour eux comme de la sympathie. Des cantonniers travaillaient dans la campagne. L'homme qui les commandait se rapprocha, c'était Gorju. On se mit à causer. Il surveillait le caillotage de la route votée en 1848 et devait cette place à M. de Maillereau, l'ingénieur, celui qui doit épouser Mademoiselle de Faverges. Vous sortez de là-bas sans doute ? Pour la dernière fois, dit brutalement Pécuchet. Gorju prit un air naïf. Une brouille ? Tiens, tiens. Et ils avaient pu voir sa mine. Quand ils eurent tourné les talons, ils auraient compris qu'il en flairait la cause. Un peu plus loin, ils s'arrêtèrent devant un enclos de treillage qui contenait des loges à chiens et une maisonnette en tuiles rouges. Victorine était sur le seuil. Des aboiements retentirent. La femme du garde parut. Sachant pourquoi le maire venait, elle héla Victor. Tout d'avance était prêt, et leur trousseau dans deux mouchoirs que fermaient des épingles. « Bon voyage, leur dit-elle, heureuse de n'avoir plus cette vermine. » Était-ce leur faute s'ils étaient nés d'un père forçat ? Au contraire, ils semblaient très doux, ne s'inquiétaient pas même de l'endroit où on les menait. Bouvard et Pécuchet les regardaient marcher devant eux. Victorine chantonnait des paroles indistinctes, son foulard au bras, comme une modiste qui porte un carton. Elle se retournait quelquefois, et Pécuchet, devant ses frisettes blondes et sa gentille tournure, regrettait de n'avoir pas une enfant pareille. Élevée en d'autres conditions, elle serait charmante plus tard. Quel bonheur de la voir grandir, d'entendre tous les jours son ramage d'oiseaux, quand il le voudrait, de l'embrasser. Et un attendrissement lui montant du cœur aux lèvres humecta ses paupières, l'oppressait un peu. Victor, comme un soldat, s'était mis son bagage sur le dos. Il sifflait, jetait des pierres aux corneilles dans les sillons, allait sous les arbres pour se couper des badines. Fourreau le rappela, et Bouvard, en le retenant par la main, jouissait de sentir dans la sienne ses doigts d'enfant robustes et vigoureux. Le pauvre petit diable ne demandait qu'à se développer librement, comme une fleur en plein air, et il pourrirait entre des murs avec des leçons, des punitions, un tas de bêtises. Bouvard fut saisi par une révolte de la pitié, une indignation contre le sort, une de ces rages où l'on veut détruire le gouvernement. « Galope, dit-il, amuse-toi, jouis de ton reste. » Le gamin s'échappa. Sa sœur et lui coucheraient à l'auberge, et dès l'aube, le messager de Falaise prendrait Victor pour le descendre au pénitencier de Beaubourg. Une religieuse de l'orphelinat de Grand-Camp emmènerait Victorine. Fourreau, ayant donné ces détails, se replongea dans ses pensées. Mais Bouvard voulut savoir combien pouvait coûter l'entretien des deux mioches. « Bah, l'affaire peut-être de 300 francs. Le comte m'en a remis 25 pour les premiers débours. Quel pingre !» Et gardant sur le cœur le mépris de son écharpe, Fourreau hâtait le pas silencieusement. Bouvard murmura. « Ils me font de la peine, je m'en chargerai bien. Moi aussi des Pécuchets, la même idée leur étant venue. Il existait sans doute des empêchements. « Aucun, répliqua Fourreau. D'ailleurs, il avait le droit, comme maire, de confier à qui bon lui semblait les enfants abandonnés. Et après une longue hésitation, « Eh bien oui, prenez-les, ça le fera bisquer. » Bouvard et Pécuchet les emmenèrent. En rentrant chez eux, ils trouvèrent au bas de l'escalier, sous la madone, Marcel à genoux, et qui priait avec ferveur. La tête renversée, les yeux demi-clos, et dilatant son bec de lièvre, il avait l'air d'un fakir en extase. « Quelle brute !» dit Bouvard. « Pourquoi ? Il assiste peut-être à des choses que tu lui jalouserais si tu pouvais les voir. N'y a-t-il pas de monde, tout à fait distinct ? L'objet d'un raisonnement a moins de valeur que la manière de raisonner. Qu'importe la croyance, le principal est de croire. » Telles furent, à la remarque de Bouvard, les objections de Pécuchet.